mais je pense que vous avez eu des raisons sérieuses de me voir ?»« Très sérieuses. Les pirogues des naturels nous entourent, et dans quelques minutes, nous serons certainement assaillis par plusieurs centaines de sauvages. »« Ah ?» fit tranquillement le capitaine Nemo. « Ils sont venus avec leurs pirogues ?»« Oui, monsieur. » « Eh bien, monsieur, il suffit de fermer les panneaux. »« Précisément, et je venais vous dire, rien n'est plus facile, » dit le capitaine Nemo. Et, pressant un bouton électrique, il transmit un ordre au poste de l'équipage. « Voilà qui est fait, monsieur, » me dit-il, après quelques instants. « Le canot est en place et les panneaux sont fermés. Vous ne craignez pas, j'imagine, que ces messieurs défoncent des murailles que les boulets de votre frégate n'ont pu entamer ?»« Non, capitaine, mais il existe encore un danger. » « Lequel, monsieur ?»« C'est que demain, à pareille heure, il faudra rouvrir les panneaux pour renouveler l'air du Nautilus. »« Sans contredit, monsieur, puisque notre bâtiment respire à la manière des cétacés. »« Or, si, à ce moment, les Papouas occupent la plateforme, je ne vois pas comment vous pourrez les empêcher d'entrer. »« Alors, monsieur, vous supposez qu'ils monteront à bord ?»« J'en suis certain. »« Eh bien, monsieur, qu'ils montent. Je ne vois aucune raison pour les en empêcher. »« Au fond, ce sont de pauvres diables, ces Papouas, et je ne veux pas que ma visite à l'île Gueboroar coûte la vie à un seul de ces malheureux. » Cela dit, j'allais me retirer, mais le capitaine Nemo me retint et m'invita à m'asseoir près de lui. Il me questionna avec intérêt sur nos excursions à terre, sur nos chasses, et n'eut pas l'air de comprendre ce besoin de viande qui passionnait le Canadien. Puis, la conversation effleura divers sujets, et sans être plus communicatif, le capitaine Nemo se montra plus aimable. Entre autres choses, nous en vîmes à parler de la situation du Nautilus, précisément échoué dans ce détroit où Dumont d'Urville fut sur le point de se perdre. Puis à ce propos. « Ce fut un de vos grands marins, me dit le capitaine, un de vos plus intelligents navigateurs que ce d'Urville. C'est votre capitaine Cook, à vous autres, Français. Infortuné savant, avoir bravé les banquises du pôle sud, les coraux de l'Océanie, les cannibales du Pacifique, pour périr misérablement dans un train de chemin de fer. Si cet homme énergique a pu réfléchir pendant les dernières secondes de son existence, vous figurez-vous quelles ont dû être ses suprêmes pensées ?» En parlant ainsi, le capitaine Nemo semblait ému, et je porte cette émotion à son actif. Puis, la carte à la main, nous revîmes les travaux du navigateur français, ses voyages de circumnavigation, sa double tentative au pôle sud qui amena la découverte des terres Adélie et Louis-Philippe, enfin ses levées hydrographiques des principales îles de l'Océanie. « Ce que votre d'Urville a fait à la surface des mers, me dit le capitaine Nemo, je l'ai fait à l'intérieur de l'océan, et plus facilement, plus complètement que lui. L'astrolabe et la zélée, incessamment ballottés par les ouragans, ne pouvaient valoir le Nautilus, tranquille cabinet de travail et véritablement sédentaire au milieu des eaux. « Cependant, capitaine, dis-je, il y a un point de ressemblance entre les corvettes de Dumont d'Urville et le Nautilus. Lequel, monsieur ? C'est que le Nautilus s'est échoué comme elle. » « Le Nautilus ne s'est pas échoué, monsieur, » me répondit froidement le capitaine Nemo. « Le Nautilus est fait pour reposer sur le lit des mers, et les pénibles travaux, les manœuvres qu'imposa à d'Urville le renflouage de ses corvettes, je ne les entreprendrai pas. L'astrolabe et la zélée ont failli périr, mais mon Nautilus ne court aucun danger. Demain, aujourd'hui, à l'heure dite, la marée le soulèvera paisiblement, et il reprendra sa navigation à travers les mers. « Capitaine, dis-je, je ne doute pas, demain, » ajouta le capitaine Nemo en se levant. « Demain, à 2h40 minutes du soir, le Nautilus flottera et quittera sans avarie le détroit de Torrès. » Ces paroles prononcées d'un ton très bref, le capitaine Nemo s'inclina légèrement. C'était me donner congé et je rentrai dans ma chambre. Là, je trouvai Conseil, qui désirait connaître le résultat de mon entrevue avec le capitaine. « Mon garçon, » répondis-je, « lorsque j'ai eu l'air de croire que son Nautilus était menacé par les naturels de la Papouasie, » Le capitaine m'a répondu très ironiquement. « Je n'ai qu'une chose à dire. Aie confiance en lui et va dormir en paix. Monsieur n'a pas besoin de mes services ?»« Non, mon ami. Que fait Ned Land ?»« Que monsieur m'excuse, » répondit Conseil. « Mais l'ami Ned confectionne un pâté de kangourou qui sera une merveille. » Je restais seul, je me couchais, mais je dormis assez mal. J'entendais le bruit des sauvages qui piétinaient sur la plateforme en poussant des cris assourdissants. La nuit se passa ainsi, et sans que l'équipage sortît de son inertie habituelle.